بسم الله الرحمن الرحيم. تدخل اليوم في الدرس 59 بعد 100 159 لسون في السؤال 59 و400 ألف 1459 question. 40 من السعادة و40 من الشكاوة أذكرها. Il a dit 4 choses font partie du bonheur en ce bas monde. Et d'autres font partie du malheur. Quelles sont-elles? Donc en premier lieu, il va citer le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, arba'un min sa'ada, al-mar'atu s-saliha. Donc 4 choses sont parmi les choses du bonheur. En premier lieu, une femme pieuse. D'où l'importance d'une femme pieuse. Car une femme pieuse est une cause de bonheur à la maison. Une cause de soulagement et d'apaisement. Et de repos. Ou le maskan waasi'a, une maison, une grande maison. D'accord ? Une grande maison. Ou le jar as-salih, un voisin pieux. C'est-à-dire croyant et qui est pieux. Ou le markab al-hani'u, et une monture confortable. C'est ce qui équivaut aujourd'hui à une voiture, une bonne voiture. D'accord ? Une bonne voiture correcte. Ouais, kada. Il a dit arba'un min ash-shakawa, et 4 choses sont parmi les choses du malheur, du mal-être, qui sont tout le contraire. Al-jar as-su, le mauvais voisin. Al-maratu as-su, la mauvaise femme. Wal-maskan ad-dayyiq, une maison qui est étroite, qui est petite. Wal-markab as-su, et la mauvaise monture. Donc ce sont des choses qui sont importantes pour l'homme, pour qu'il trouve son bien-être dans cette dunya. D'accord, cette dunya. Et beaucoup de gens ont cela, ne s'en rendent pas compte, et malgré tout se plaignent. Car ils vivent dans ce que possèdent les autres. Ils vivent dans ce que possèdent les autres. D'autres, une maison plus grande, ils voudraient leur maison à eux. D'autres, une femme, c'est là une femme qui est peut-être plus belle que leur femme, et ils la voudraient, une femme aussi belle que la leur. D'autres ont une voiture plus moderne et plus chère, Basselaine, plus puissante ou plus belle que la leur, ils voudraient leur voiture à eux. Et d'autres ont un voisin qui est encore meilleur que le leur, et voudraient leur voisin à eux. On dit à partir du moment où toi tu regroupes ces choses-là, même si quelqu'un est meilleur que toi, remercie Allah Azzawajal, car c'est un bienfait. Et aujourd'hui, il est rare de trouver un musulman qui réunit ces 4 choses-là, elle est tout seule. C'est rare. Mais parmi la chose qui pourrait être la plus mauvaise, c'est la mauvaise femme. Car le voisin, tu peux déménager. La maison étroite, Kazalik, tu peux déménager. Et la monture, plein de gens aujourd'hui n'ont pas de moyens de locomotion. Et quelqu'un pourrait dire, ma femme, je peux la divorcer. On dit, non, tu peux la divorcer aussi. Mais si jamais tu as des enfants avec elle, c'est une situation qui sera compliquée par la suite. Tu auras toujours un lien avec elle. Le fait que tu divorces une femme qui est la mère de tes enfants, tu auras toujours un lien avec elle. Au hasard. ثم قال في سؤال 60 و400 ألف 1460 question. ما أجر من كفل أرملة أو مسكينة؟ Il a dit quelle est la récompense de celui qui aura pris en charge une veuve. Il a dit miskine, en fait c'est yatim qui le voulait dire, c'est un orphelin. À la base c'est orphelin que ce que je connais. Ou alors un pauvre, non, qui aide une femme veuve ou un pauvre. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السعي على أرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر متفق عليه. Que celui qui aide la veuve ou le pauvre est comme le combattant sur le sentier d'Allah. Donc je pense qu'il a dit comme celui qui se lève à la nuit et qui ne se repose pas, comme celui qui jeûne et qui ne rompt jamais. Sa récompense équivaut à cela. ثم قال في السؤال 61 و400 1460e question. ما فضل من مات وله أولاد فاحتسبه. Quel est le mérite de celui qui est mort en ayant des enfants, d'accord, mais qu'il s'est bien occupé d'eux, qu'il soit bien occupé d'eux. قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نساء كنا للنبي صلى الله عليه وسلم جلنا يوما فوعظهن. Que les femmes ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم réserve-nous un jour. Et de là il aura fait un rappel. فقال أيما امرأة ماتت لا ثلاث من الأولاد كانوا حجابا من النار. Il a dit toute femme qui meurt, c'est-à-dire là il parle de la femme croyante bien évidemment, et qui laisse derrière elle trois enfants, ils seront pour eux un voile, c'est-à-dire une protection du feu. وقالت امرأة واثنان قال واثنان. Et notre elle a dit même deux enfants, elle a dit même deux enfants. متفقون عليه. Donc souvent des gens disent مثلاً quand ils meurent je laisse des enfants derrière moi et ils en sont attristés, comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir, et réel zalika. On dit une fois que tu n'es plus là, c'est Allah Azzawajal qui se chargera d'eux. Comme il s'est chargé de toi et de tes parents auparavant. D'accord ? Et le fait d'avoir ces enfants-là et de s'en être bien occupé, comme on l'a dit auparavant dans l'année précédente, ça aura une cause de protection du feu pour toi. Donc toi, tu as accompli ton obligation. Une fois que tu es mort, tu es mort. Après, c'est entre toi et ton Seigneur les comptes que tu auras à rendre. Donc ne pense pas que tes enfants sans toi seront perdus. Ne pense pas que sans toi, tes enfants seront perdus. Et c'est Allah Azzawajal qui est Razak. Il donne, il nourrit les plus vils des animaux, les plus petits insectes, ce ne sont pas tes enfants à toi, toi qui es croyant musulman, d'accord, qui va abandonner. Après, il y a le qadar. Il se peut que par la suite, tes enfants dévient, ça peut arriver. Nuh alayhi salam était un prophète messager et son enfant était un mécréant. Mais après, cela n'est pas de ton ressort, tu n'es pas responsable. Tu n'en es pas responsable. Et c'est une chose que Allah Azzawajal avait décidé. Peut-être même qu'ils auraient mécru en ta présence. Et voire pire encore, ils auraient pu te faire mécroire avec eux, comme dans l'histoire de ce jeune dans la caverne qui était tué par Al-Khadir, qui a été tué de peur qu'il ne fasse dévier ses parents par la suite qui étaient des croyants. Donc, kulushi bi qadarillah. Naam. Thumma qal ma haqq at-tariq. Quel est le droit de la rue? Dans le hadith de Abu Sa'd al-Khudri, Afesuel, Thani wa Sittin wa Arbamia, Alf 1400, c'est son deuxième question. Qare, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wa Julus fit Turukat, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, il a dit prenez garde à ne vous installer dans le lieu de passage, dans la rue. Qalu ya Rasulullah, malana budun min majalisina, natahaddathu fiha. Quand nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'endroit où nous installer pour pouvoir discuter entre nous. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faiza abaytum ilal majlis, فَأَعْطَوَ التَّلِيقِ حَقَّهُ. Donc si jamais vous n'avez que ça à faire, alors donnez, rendez au droit, rendez à la rue son droit. قَالُوا وَمَا حَقُّهُ. Donc quel est son droit? غَدَ الْبَصَرِ, le fait de baisser le regard. وَكُفَ الْأَذَى, le fait de retenir les obstacles. وَرَدَ السَّلَامِ, le fait de rendre le salam à ceux qui nous le passent. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْلُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ, et le fait d'ordonner le convenable, c'est-à-dire le blâmable. متفقون عليه. Alors qu'aujourd'hui la rue c'est tout le contraire. Les gens sont dans la rue pour regarder, d'accord, pour offenser les gens et pour faire du mal. Wal'a'adhu billah. Qal fi sual al-thalith wa 60 wa 400 wa 1463e question. Madha tafal idha ra'aita shawkan aw hajaran fi at-tariq? Que fais-tu maintenant si tu vois une épine, des ronces ou une pierre sur la route? Une chose qui gêne les gens. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. Il a dit j'ai vu un homme qui était comblé dans le paradis, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans le paradis du fait qu'il a enlevé une plante ou un arbre qui gênait la route pour les gens. Rapporté par Muslim. Pour simple, ce simple fait qu'il a fait, bien qu'il était un croyant et mouahid, cela lui a valu de rentrer au paradis. Et également, cela est le minimum de la foi. Imadat al-Azhar al-Tariq, le fait d'enlever un obstacle du lieu de passage. Fama qala fi sual al-salis wa sittin wa arba'mia alf. 1466e question. Maza taf'alu iza ra'aita fi akhika al-muslim aiban. Que fais-tu maintenant si tu vois dans ton frère musulman un défaut? في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخوه المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. qu'il a dit que le musulman est comme le miroir, le croyant comme un croyant pour son frère, un miroir pour son frère. C'est-à-dire, il se voit à travers lui. D'accord ? Et le croyant est le frère du croyant. Donc il l'empêche de nuire et il le protège derrière lui. Apporté par le Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Donc ça veut dire que tu l'aides quand même à corriger ce manque. Maintenant, il y a des choses qu'on a en nous, ce sont des défauts, des choses qui sont en nous, on ne pourra pas s'en débarrasser. Mais si ces défauts-là causent du tort à autrui ou à nous-mêmes, dans notre religion, on réalise des cas, avec le musulman, on se conseille, on s'entraide, d'accord ? On se fait le rappel. Mais il y a des choses, maintenant, qui sont en nous. De façon naturelle, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. ثم قال في السؤال التاسع والستين واربعمائة ألف من كسان صوتنا في المكسيون هل يكسر المسلم من الدحك؟ هل يكسر المسلم من الدحك؟ قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسروا الدحك فإن كسرت الدحك يميت القلب رواه ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ne rigolez pas trop car le fait de trop rire cela tue le cœur. Trop rire cela tue le cœur. Donc rire, c'est une chose qui est permise. Tant que la plaisanterie elle-même, elle est halal, d'accord, il n'est pas permis de mentir, de plaisanter, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Et le Nabi Sassam, il a bien dit, « Lo ta'alamun ma'alamun, la'alamun, la dahiktu qalila, wa la bakitu kathira. » Si vous saviez ce que je sais, vous rigolerez peu et vous pleurez beaucoup. Par rapport aux choses qui sont liées à l'au-delà, ce qui nous attend. Allah al-Musta'an. فنكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين